Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Roquefort Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Bibiz, sur RadioQuébec.biz, sur rradio.freux, point on sait pas. Ça existe encore? Je sais même pas si ça existe encore. En tout cas, c'est le Roquefort Show avec Tom of Roquefort Show, bien sûr. Bonsoir. Ah putain, il a sorti les maracas. Bah vive la France quoi, allez la France. C'est vrai, c'est vrai, ils ont gagné hier. Hein. Avant-hier. D'ailleurs, ils ont gagné, c'est bien, mais ils auraient dû renvoyer les Suédois avec leur temps glacial. Hein. C'est merde. On les retrouvera, on les retrouve tout à l'heure, ils jouent à 21h. Ah, bon, d'accord, ok. Donc, on verra ça, on vous tiendra au courant, si on n'a pas fini pendant une demi-heure. Cross. Hein. Ce soir, jeudi 26 janvier 2017, dernier jeudi du mois. Hein, c'est quand même, voilà. Parce qu'après, putain, on va passer... ça veut dire que la semaine prochaine, c'est la Chandeleur. C'est ça, c'est bien ça. Et puis, peut-être que la semaine prochaine, enfin, dans deux semaines... On va peut-être, je sais pas, on va peut-être changer de rythme. C'est-à-dire que vous allez peut-être nous retrouver qu'une fois tous les 15 jours. Parce que j'en ai marre, je suis crevé, j'en ai marre. J'ai passé mon mi-siècle et Pépi, il en a marre, il voudrait se reposer un peu. Pas plus mouillon. Voilà. Donc ce soir, nos invités sont KDD. C'est quoi KDD? C'est quoi KDD? Bonjour Filter. Parle dans le micro. Salut à tous. Alors c'est quoi KDD? Alors KDD, c'est Cause Dalle Division. Donc, Division blindée. Alors on pourrait peut-être de nos pères, effectivement. Parle bien dans le micro, parce qu'on t'entend pas. Il faudrait que Laurent puisse nous rejoindre pour nous expliquer effectivement. On va l'avoir tout à l'heure par téléphone. Ouais, voilà. Donc c'est plus Laurent hein, qui est à l'origine du projet avec ses deux comparses là. Chris et Vince. Vince qui a trouvé ce nom-là. Bon, c'est du breton, je laisserai Laurent expliquer tout à l'heure. Ah, moi je pensais que c'était à cause de la dalle, on fait des divisions. Alors après, tu peux effectivement. Et tu causes. Aborder plein de jeux de mots, le casse-dalle. Le casse-dalle, division, voilà. La division du casse-dalle. Enfin, vu tout le monde qu'il y a sur l'album, moi c'est pas division, je leur ai appelé, c'est multiplication. Parce que vu le nombre de musiciens, hein, faut. Il y a combien de musiciens en tout sur l'album? Plein. Il y a du monde. Il y en a plein et ils sont dans le champ. Il y a du monde, tu vois, t'as 14 titres, t'as 2-3 chanteurs qui font 2 titres, donc tu as une bonne... On va les passer en revue tout à l'heure. Une bonne dizaine de participants. Ah ouais, on va en parler un peu plus en profondeur. Ouais, voilà. En profondeur, t'aimes bien ça, hein, profondeur. Ouais. Hein. Ah bon, toujours on en parle. La profondeur, c'est ce qu'il y a de mieux. Cause Dalle Division, donc ce sont nos invités avec un magnifique album, projet on va dire, hein. C'est plus un projet que... Oui, c'est plus un projet, groupe, un concept hein. En soi, hein. On peut pas considérer ça comme une vraie... Comme un vrai groupe. Hein, c'est plus une passion qui a été réunie autour de trois collaborateurs qui ont invité un certain nombre de personnes qui ont marqué, on va dire, les 15-20 dernières années dans le métal français. Voilà, et puis les propositions étaient alléchantes, sympas, le délire était plutôt fun. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien, c'est de la passion avant tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas derrière de projet. Ouais, mais c'est un beau projet, à mon avis. Enfin, rien que voir l'idée du truc. On va en parler plus tard. On en parle tout à l'heure. Phil, il a beaucoup de choses à dire, notamment ce qu'on a écouté déjà voilà. Quand on est arrivé. Bonsoir tout le monde. Alors, on a commencé avec Grave Digger, tiré de leur tout nouvel album qui s'appelle Held by Metrol, sorti chez Nuclear Blast le 13 janvier. Ça va, on a fini l'émission la semaine dernière avec du 100% dans Nuclear Blast et on recommence avec du 100% Nuclear Blast. Ils ont des trucs bien, alors on n'y peut rien en fait. Pour une fois qu'il y a du monde qui sort des choses intéressantes. Voilà, donc l'album, c'est pas nouveau, hein, Grave Digger, ils sont à leur 10 000e album, donc c'est vraiment pas nouveau. Mais au moins ça le fait, comme d'habitude, l'album est vraiment très bien et ça s'appelle Call for Warn, c'est le titre que l'on a passé. Et là, il y a un... Voilà, donc... Quoi d'autre? Eh bien, l'album, comme je vous l'ai dit, est sorti le 13 janvier. La semaine dernière. C'est ça. Le fond sonore que vous entendez, le groupe s'appelle Battle Beast. On vous en a parlé la semaine dernière. Une nouvelle sortie chez Metal Blade également, mais ça sortira le 17 février 2017. Donc 17-02-17. Sachez que le groupe sera en concert. On vous a annoncé la date la semaine dernière. Là, je ne l'ai pas noté, mais on va vous la retrouver d'ici la fin de l'émission. Et on vous en parle dès qu'on peut. On va continuer dans la musique avec des nouveautés, essentiellement des nouveautés ce soir, avec Avoc, groupe de thrash metal qui nous vient de Chicago aux États-Unis. Sorti chez Century Media, ça sort seulement le 10 mars. Il est frais ton poisson, il est frais. C'est vrai, tu crois? Bah, du Haddock. Non, Avoc. J'ai essayé de faire un jeu de mots, merde. C'est pas possible, celui-là. Ah, tu m'aurais dit, il manque un A, avocat. Je t'aurais dit d'accord, tu vois, mais. Merde, quoi. On peut passer le poisson, l'avocat, c'est la semaine dernière. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais on aurait pu faire un rappel justement sur le repas de la semaine dernière. Bah, t'es parti. Tiens, d'ailleurs, quand est-ce qu'on mange? Allez, Avoc, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Conformicide. Moi, je vais faire un tomicide, moi, si ça continue. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Hang 'Em High. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Certainement que le groupe sera en concert à Paris, puisque à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, ils sont en concert en France, donc j'irai chercher les dates bientôt. À moins que Tom, rapide que son ombre, va nous trouver déjà la date pour Battle Beast, qu'on a annoncé la semaine dernière, et puis peut-être pour Avoc. En attendant, je continue à vous dire ce qu'il y a de nouveau dans le Rock for Show. Le nouveau titre de Jack Russell's Great White, chanteur de Great White depuis des années, il nous revient avec un album un peu, on va dire, un peu solo, un peu à la Great White, on sait pas trop, puisque c'est Jack Russell's Great White, un petit peu comme avait fait Tommy Yomi, Black Sabbath, enfin bref, ils le font tous. Hein. Donc l'album est pas mal du tout, il s'appelle He Saw It Coming. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelait Blame It on the Night. Ça sort chez Frontiers le 27 janvier, c'est-à-dire demain. Voilà, donc vous pourrez acheter ce magnifique album. La voix est toujours là. Les musiciens, je crois qu'il y a un des musiciens de Great White d'ailleurs dedans. Donc bon, voilà. C'est pas du Great White, c'est plus du, on va dire, du rock FM, AOR. Des news sur Battle Beast concert, monsieur Tom, ou sur Avoc concert, monsieur Tom? Avoc concert, oui, j'y ai. Ah, super. Alors, quand, où, comment? Il n'y a rien en France. D'accord, super. Bon, tu nous rappelles quand t'as des infos. Ah, mais je te dis tout de suite, et ce sera au mois de février. Là, il commence une tournée au mois de février. Donc, Oui, l'album sort, donc c'est normal, il sort qu'au mois de mars, donc je pense qu'on les aura après. Par contre, Battle Beast dont on a parle la semaine dernière, Battle, B-A-2-T-L-E. Ouais, hein, mais j'étais dessus à l'instant, mais si tu me demandes trois choses en même temps. Mais je voudrais t'en demander beaucoup plus que même ça. Même quatre, parce qu'entre faire la bouffe, m'occuper de la. Des titres discuter. Ouais, non, mais t'as raison. Mais il faut que tu apprennes, hein. Faut que tu sois multitâche. Multitâche. 25 mars au Petit Bain. Voilà, donc on aura le temps de vous en reparler. 25 mars au Petit Bain pour les Battle Beast. Et il y a un peu pour Avoc. J'ai notamment Nantes le 24 avril. 24 avril, oui. Donc, au Ferrailleurs. Donc on aura le temps d'en reparler. Ils sont le 29 au Petit Bain. Eux aussi. Ah, ils vont tous au Petit Bain. Donc le Haddock au Petit Bain, c'était peut-être ça que tu cherchais tout à l'heure. Ah bah tu vois. Hein, nous allons continuer ensuite avec des Canadiens. Oui, des Canadiens qui nous viennent de Edmonton. Caribou. On salue bien sûr Monsieur Eric Flynn et Monsieur John Asher qui nous a envoyé All Else Fails, tiré de l'album The Forever Lie. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle The Sounds of Plenty. Ça sort chez Suicidal Bride Records le 17 février 2017, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pour les fans de Killswitch Engage, In Flames et Trivium. Donc que de la bonne cam en fait. Hein, et le groupe s'est formé en 2006. Voilà, et là c'est un EP qui nous sort. Donc on va vous faire découvrir ce premier titre et puis... les autres semaines, hein, si ça vous plaît, 06 81 01 28 34. Et vous nous dites, ouais, ça m'a plu, ça m'a poté les fesses, j'aimerais en réécouter dans le Rock for Show. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Ou si vous venez nous voir tout à l'heure, après, au concert de... Ah, ouais. Quand on aura fini l'émission, on se retrouve au Factor 8. Hein. On va à Factor 8, au Dr. Feelgood. Voilà. Donc au Dr. Feelgood, juste après, c'est 34 rue Quincampoix, métro Châtelet ou Hôtel de Ville. Nous allons continuer avec encore un revenant, Monsieur Stephen Percy, qui nous sort un album qui s'appelle Smash. Le titre que je vous propose, c'est Jamie. Alors, qui est Stephen Percy? Alors, qui peut me dire? Un mec de rat, ça? Ouais, bravo. On voit la culture quand même, hein, la culture métal, la famille est là. Stephen Percy, effectivement, c'était le chanteur de Rat. Qui nous sort un album solo chez Frontiers, ça sortira demain également, il nous vient des États-Unis, enfin voilà. La carrière de Rat, vous la connaissez quasiment tous, pour ceux qui aiment le glam rock, les groupes comme Dokken, Rat, Motley Crue, Poison, enfin bref, toute cette tripotée de groupes. Eh bien, l'album est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé. Et puis surtout, on retrouve cette voix que je n'avais pas entendue depuis un petit bout de temps, et ça fait bien plaisir. Donc, bah voilà. On va donc vous laisser avec Avoc, suivi de... Oh là, oui, mais ce nom-là, celui de Jack Russell. Merci. Et on enchaînera ensuite avec... All Else Fails. Et on terminera avec Stephen Percy, musique. not about the distance. This is not about the time inside. This is all about resistance. Ready, yeah, it's ready. Blood of the fire. De retour dans les studios du Rock Folk Show, tous les jeudis soirs 19h30, 21h30, avec Tom. Oui. Et Phil, parce que Jen, on lui fait un coucou, mais Jen n'est pas là ce soir. Elle a fait grève. Elle a fait grève. Non, ça fait 15 jours qu'elle fait grève. Non, on lui a fait un sale coup, en fait. On lui a fait un sale coup. On voulait... parce que nous, on adore les oignons, et on voulait manger tous les oignons pour nous. Hein, c'est ça, Tom, hein. C'est pour ça. On peut dire ça, ouais. Ce soir, nous recevons le groupe Coastal Division. T'appelles ça un groupe ou un collectif? Oh, on en parlera tout à l'heure. Ouais, mais qu'est-ce que tu m'énerves, toi? Non, mais Dieu, tu veux prendre le micro? Tu veux parler? Bah, de toute façon, je peux même fermer ta gueule si tu veux. Regarde, tu vois, vas-y, parle. Vas-y. Ah, bah, c'est con. Ah, bah, merde. C'est dommage, ça. On me spolie, on me coupe la chic. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, monsieur, ce que vous faites. Tout ça parce que vous avez le pouvoir entre deux boutons, hein. Ça, c'est pas bien du tout. Bon, si Coastal Division. Entre deux boutons, c'est vrai, il n'y a pas que ça non plus. Coastal Division, mais ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Powerwolf. Ils seront avec Epica le 4 février au Zénith. Et notamment, ils ont sorti un coffret collector. Ouais, alors un coffret collector avec des lives et aussi une réédition de l'album Blessed and Possessed sorti en 2015. Ouais. Et ils en ont fait un spécial tour édition puisqu'ils partent en tournée. Et dedans, vous y retrouverez un album live et des reprises. Un album de reprises. Trop bien, les skis, ils partent. Yes. Donc voilà. C'est juste pour vous dire qu'ils seront donc en concert avec Epica et vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places. C'est maintenant, non, tout de suite. Ouais, c'est comme ça. C'est au Zénith. Sincèrement, ça te coupe la chic, ça. C'est le Zénith. Hein, ouais, c'est au Zénith. Et c'est comme ça. Monsieur, des places pour le Zénith. Maintenant, depuis qu'on a fait le Paris Metal France Festival, si tu veux, nous sommes internationalement connus. Et maintenant, j'ai les entrées un peu partout. Et je rentre au Zénith. Tu peux me faire rentrer à l'Opéra de Sydney? À l'Opéra de Sydney. Bah déjà, il va falloir que tu te payes le billet. Ah non, non, tu ferais compris. Ah non, pas tout ferais compris, faut pas déconner. Je vais voir ce que je peux faire. Sydney l'éléphant, tu veux dire. Non, tu veux rentrer dans l'opéra de Sydney l'éléphant, c'est ça? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, Powerwolf, excellentissime groupe, qui sont roumains. Non, de chacal. En fait, ils sont allemands et le chanteur Attila se fait passer pour un mec des Carpates, petit cousin de Dracula et tout ça. Enfin bon, toute une histoire. En tout cas, sur scène, c'est excellent. Allez les voir. Et puis, vous partez après parce que c'est Epica après. Epica. Voilà, bon, allez, on va passer à d'autres Américains, puisqu'il s'agit du groupe Armored Saint, qui nous revient avec un nouvel album live, qui s'appelle Carpe Noctum Live. Ça sort chez Metal Blade le 24 février. Ils nous viennent de Los Angeles. Et ils ont reformé le line-up original de 1999, c'est-à-dire avec John Bush, ex-Anthrax, hein, au chant. Enfin, c'était quand même le chanteur de Armored Saint initial. Joey Vera, on retrouve également Phil Sandoval. Et on retrouve Jeff Duncan et Gonzo Sandoval à la batterie. Voilà. Ça va, Los Angeles, c'est pas très loin en ce moment. T'as juste à aller dehors et c'est bon. La gelée, tu mets ton œuf et il gèle dehors et ça fait Los Angeles. Tout à fait. Et ben, tu sais quoi? Moi qui voulais te payer le voyage, et ben, je te paye le voyage sur ton balcon. Avec ton, avec le quadruplement de ton salaire, je pense que t'es vachement gagnant cette année, toi. Hein, ah oui, j'ai tout gagné. Oh là, j'ai raflé la mise. Allez, c'est lui qui veut ma place. Non, vous ne l'aurez pas. Bon, sachez quand même que le groupe, depuis sa reformation, a sorti quelques albums en 2010, en 2015, et qu'il devrait nous préparer un tout nouvel album là, qui devrait bien nous ravir les oreilles. Sachez qu'ils ont tourné avec Saxon, Metal Church, Queensryche, enfin bref, pas mal de monde. Et puis voilà. Alors, moi je les avais vus, je les ai vus, bien évidemment que je les ai vus. Je les ai vus, tu sais où? Où est-ce que j'ai pu les voir? À Miami! À Miami! Sur la croisière s'amuse. Ouais. C'est pour ça qu'ils marquent qu'ils étaient avec Metal Church et Queensryche, parce que Queensryche et Metal Church étaient aussi sur la péniche. Ça, c'est... Mais t'as passé une bonne année, je pense, 2016, enfin en un an là. C'est 2015? que je suis parti. C'était pas 2016, c'est en 2015, non? C'était en février l'année dernière. Février 2016? Oui, parce que monsieur a pris des vacances et pendant que d'autres travaillaient. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est bon, vrai. Mon salaire a été quadruplé, donc voilà, 0 donc par 4, ça fait. Ah, bon, sachez en tout cas que cet album live a été enregistré au Wacken Open Air, mais qu'il a été enregistré aussi un peu partout. Et donc, je crois que le titre que je vous diffuse ce soir, qui se nomme, attendez que je retrouve tout ça, parce que March of the Saint est tiré du concert de Wacken, si mes souvenirs sont bons. On verra, ouais, mais très très vieux morceau tiré de. Bah, l'album s'appelait pas March of the Saints d'ailleurs, hein, il me semble. Ou Saints Will Conk, je sais plus, mais en tout cas, voilà, March of the Saints. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe de prog metal que j'avais choisi spécialement pour monsieur Beethoven, alias Pascal Beethoven de ADX. Oui, qui devait venir ce soir. Ouais, qui devait venir ce soir, mais il a eu un petit empêchement de véhicule. Bah, ouais, c'est ça, hein, quand on. Ah, on change pas les bougies. Voilà, la non, mais le pire, c'est qu'elle était au garage la semaine dernière. Si, mais, en plus, si, ouais, il arrête pas de la mettre. Moi, je dis que Beethoven devrait plus acheter de voiture, mais acheter un garage. Ce serait nettement mieux. Hein, donc, il roule avec les voitures du garage, il les teste. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas nous entendre. Donc, on peut dire n'importe quoi sur lui. Pourquoi il peut pas nous entendre ça. Non, là, il pourra pas se défendre. Là, en direct, il pourra pas se défendre en direct. Ah oui. Parce qu'il est en train de rentrer du garage chez lui. Oui, voilà. Et on va l'appeler. Voilà, donc Jupiter Hollow, c'est pour toi, mon cher Beethoven. C'est un groupe canadien. L'album s'appelle, enfin, le EP s'appelle Odyssey. On en a déjà parlé dans le Rock for Show, mais l'album sort maintenant. C'est pour ça que je voulais en rediffuser ce soir. Et c'est une autoproduction. Et enfin, nous arrivons au gros morceau de la soirée avec Cosdal Division. Tiré de l'album KDD. Enfin, moi je l'appelais comme ça. Je sais pas s'il a un nom, l'album. Non, alors on l'appelle KDD. Moi j'aime bien. Et c'est une autoproduction également, mais qui sortira chez Season of Mist. Parle bien dans le micro, s'il te plaît, c'est ça, Phil. C'est ça. Hein, ça sort chez Season of Mist. Ça sort très prochainement. Ça commence déjà à sortir. Ça commence déjà à sortir. Ouais, ouais, ça commence à pointer la tête. Ouais, on a vu quelques CD dans certaines Fnac, là, à droite et à gauche. Et bon, alors, poussé. Étonnamment surpris et bon. Agréablement surpris, on va dire. Eh bien, c'est bien. On va en parler donc tout de suite après, puisqu'on n'a pas choisi le titre que l'on va passer. Donc, on va appeler Laurent pour savoir quel titre il veut entendre. Mais on va en passer certainement avec toi au chant. Avec Filter au chant. D'accord. Hein, il n'y a pas que moi, on peut en passer d'autres. Hein. Ouais, mais après, on en passera un autre avec, je sais pas moi, Eric Forest ou Arnaud Strobel. Ou qui c'est qu'il y a d'autres encore. Il y a Tanguy. Il y a aussi Max. Ouais. Hein, il y a Max Otero de Merciless. Enfin bref, il y a pas mal de monde, on va en discuter avec Laurent tout à l'heure. Donc on vous laisse, pendant qu'on va appeler nos charmants Beethoven et Laurent, on vous laisse avec Armored Saint, suivi de Sleepy Hollow, non pas du tout, Jupiter Hollow, bien sûr, et Cosdal Division. On envoie la musique tout de suite maintenant, sans plus attendre, musique. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Oui, monsieur Tom. Radio Québec.bi, salut Eric. Salut Eric Flynn, salut John Asher, salut tous les Canadiens. Salut tous les Hugo. Caribous. Salut Hugo, bah, on n'a plus de nouvelles de Hugo. Je pense, je sais pas, il est perdu pour le Canada, perdu pour la France, perdu pour tout le monde. Non, ouais, disparu au coin de la rue. Hein, ça, c'était Hugo. Hugo délire. Pour ceux qui sont nés dans les années 90-2000, ouais. Voilà. Donc, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Cause Dahl, le groupe, le projet, le comment on va appeler ça, le collectif. Alors, attends, parce qu'on va remettre ton juste en face du micro. Vas-y, filter, vas-y. On accueille Laurent Plainchamp, le fondateur du projet. Cause Dahl Division, si tu peux nous baisser un tout petit peu le son du fond sonore. Oui, je peux même carrément limite le diminuer. Voilà, comme ça on va entendre mieux l'entendre. Bonsoir à toi Laurent. Allô, oui, ouais. Salut. Ça va bien? Eh ben ça va très bien, impeccable, hein. C'est tout va bien. Voilà. Tout va bien. Alors il paraît que t'es très loin, hein. Très loin. Ah c'est le sud, hein, mais on a quand même un peu de froid comme chez vous, mais pas autant, mais bon, on est loin. Bah nous je peux te dire que ça caille grave. Bon, bah, il faut se réchauffer avec un peu de métal, ça va le faire, ça. D'où le fait d'avoir invité Cause Dahl Division ce soir. Voilà, ça va réchauffer. Alors, parle-nous un petit peu de ce projet. D'où est venue l'idée? Comment se sont fait les rencontres? Parce qu'il y a plein de musiciens qu'on connaît, des gens, on va dire, entre guillemets, un peu cultes du métal français. Et oui, c'est un peu, même beaucoup, culte, mais en tout cas, donc ça s'est fait au tout début. Ben, moi, j'avais pas trop lâché la musique, je faisais des petites compos, des petites idées comme ça. Après, le projet a commencé avec la rencontre avec Vince, qui fait mes paroles, on va dire. Et puis Chris à la basse qui joue dans Grace. Et puis bah après ça s'est fait avec Filter qui en fait pour nous bah ça a été un rêve déjà de l'avoir parmi nous pour le tout début. Et puis à partir du moment qu'on a eu Filter avec nous, bah on s'est dit bah si lui accepte, d'autres vont peut-être accepter aussi. Ça a été un petit peu le déclenchement. Et il y a aussi Tanguy en même temps que Filter aussi hein, qui avait accepté pour faire ce projet. Donc voilà. Après on s'est deux chanteurs de No Return. Et voilà, et puis bah moi j'avais fait un petit peu aussi, mais juste pour une année, pour faire des dates en gros. Mais bon voilà, ça n'avait aucun lien avec No Return, hein. C'est vraiment parce que ça s'est fait comme ça, hein, tout simplement, avec des gens sympas, talentueux, et puis voilà, c'est vraiment ça s'est fait naturellement, sans comment dire, on n'a pas forcé les choses. Oh, n'en fais pas trop, Laurent. Il y a des gens qui nous aiment pas qui vont être jaloux après. Ah merde, ah oui, au fait. Ah oui, alors bon, bah tant pis, alors j'ai dit que des conneries. Non, mais par contre, dis-nous tout. Est-ce que Filter a couché pour être sur le projet? Est-ce que lui, il a couché ou oui. Enfin, vous deux, est-ce que vous avez copulé? On est obligé quand même à ce niveau-là, merde, bien sûr. Hein. Et... Alors lui, c'est chiant, il a des pantalons serrés, c'est chiant à enlever, mais bon. Ouais, voilà. Ouais, bah en plus, je pense que c'est les mêmes pantalons que dans les années 90. Ah, c'est les mêmes jeans, on les a ressortis et tout, on a refait des coutures, on a élargi et un peu la ceinture. Enlever le pantalon sans enlever les pompes, alors c'est compliqué, quoi. Allez, on va parler plus sérieusement. Parle-nous un petit peu du projet. Du fond du projet, c'est-à-dire les textes, un petit peu comment est venue l'inspiration et surtout quel est le lien entre tous ces textes et tous ces musiciens. Alors le lien, j'ai envie de dire les liens, c'est ben, je me répète, mais c'est la passion, des gens sympas, on se fait plaisir, on veut. En fait, c'est tout le monde a dit oui sans se poser de questions, sans même savoir qu'on allait faire un album, pour certains, parce qu'en fait, on n'avait pas prévu de faire forcément un album et faire tout ce qu'on a fait là. Donc, tous ceux qui sont sur cet album ne savaient même pas qu'on allait être distribué, qu'on allait être sur un CD. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment que par passion, il n'y avait pas derrière de but commercial. Oui, par exemple, voilà, il n'y avait pas du tout d'intérêt. Voilà, c'était avant tout que pour la passion, en tout cas. Je pourrais ajouter quelque chose quand même, parce qu'il y a quelque chose qui a très très bien fonctionné là-dedans. C'est que y a bien sûr la passion, mais il y a aussi l'envie de participer à un projet. Et pour être motivé pour participer à un projet comme ça, moi, ce qui m'a personnellement motivé, c'est ta capacité à créer des riffs et en tout cas à te mettre dans la peau des musiciens que tu sollicitais dans le cadre de ce projet. Moi, je sais que la compo, ça a toujours été comme ça. Quand tu composais un morceau, on répète, tu avais une rythmique, un mec qui apporte des idées, des riffs, et puis on compose autour de ça. Et c'est vrai que moi, je pense que n'importe quel guitariste n'aurait pas pu nous appâter comme ça aussi facilement en nous vendant ce projet. Je pense que le fil conducteur, ça a été... ça a marché comme ça avec moi, c'est que tu nous as balancé des riffs. Les riffs, moi, je les ai tout de suite, j'ai tout de suite accroché dessus. Et puis, ça m'a franchement motivé parce que j'ai retrouvé la patte... Et encore une fois, c'est ce que tu as su faire avec ADX, avec Tanguy, avec les autres. C'est que tu as réussi à te positionner une sorte d'empathie musicale, en fait, à te mettre dans la peau des mecs que tu sollicitais. Et c'est ça qui a marché, et c'est ça le côté magique. Bah, je me suis mis dans la peau du fan, et comme, bon, moi, je sais faire un peu de guitare, je sais un peu chanter, tout ça, mais surtout, étant dans la position du fan, je compose comme si j'étais le fan qui voulait entendre ça de vous. Et donc, c'est pas une compo avec des choses que je sais déjà jouer ou que j'ai déjà répété 10 000 fois à la guitare. Donc c'est vraiment, je sors des notes ou des rythmiques qui sont... c'est vraiment... Alors évidemment, c'est pas du super compliqué tout ça, mais bon, c'est... Et puis, sauf... c'est avant tout pour mettre en avant au service du chant, voilà. Sauf erreur, Laurent, enfin la fille qui parle à nouveau là, j'ai pas l'impression que quelqu'un ait déjà fait ça un jour. Dans le milieu du métal. Dans le milieu du métal, cette sorte de projet un petit peu là d'aller chercher des gars et puis d'aller faire des compos qui soient alignés avec leur truc. C'est pas tes compos à toi que tu nous as soumis, c'est t'as composé des trucs. Dans le profil de chacun des gars, et je n'ai pas le souvenir qu'il y ait déjà quelque chose de similaire. Si je comprends bien, c'est Laurent. Non, ouais, je pense pas, c'est vrai. Alors, ça n'a pas été calculé, puisque ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et puis, encore une fois, voilà, c'est en tant que fan et en faisant un petit peu de guitare, tout ça, plutôt que de faire mon truc dans mon coin ou avec les copains. Et moi, je trouvais que ça, c'était bien de... Et puis bon, sincèrement, au tout début, on voulait entendre ta voix. Ça a été aussi le Vince et Chris, ils étaient tout fous quoi quand ils ont su que t'allais faire un truc avec nous. Enfin avec moi, avec nous, ils étaient c'était un rêve quoi. C'est tout le monde se fait plaisir. Et ben voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça, se faire plaisir, des gens sympas, on déconne, il n'y a pas de prise de tête, c'est pas beaucoup de temps passé non plus, donc ça c'est important parce qu'on est des vieux schnock, faut le dire, mais bon, au moins, pas d'enjeu de business. Voilà, non mais c'est ça s'est fait tout simplement et tout le monde a vraiment dit oui sans aucune arrière-pensée. Il n'y a pas eu de quelqu'un qui a été rémunéré ou quoi que ce soit. C'est vraiment, franchement, c'est important de le dire. Ça peut paraître con de dire oui, personne n'était payé, je sais pas quoi, mais personne ne savait qu'on allait faire un album. Personne pensait que ça allait prendre cette ampleur, quoi, parce que mine de rien, on a été vite parce que le groupe a à peine un an, quoi. On a commencé en avril 2016. Et ça aussi, c'est une grande performance, mais pour tout le monde, quoi, pas pour, ouais, pas Laurent, pour moi. Laurent, hein? juste au niveau des textes, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Parce que des fils, il y en a plusieurs. Textes, moi, déjà, je m'en suis pas du tout occupé pour mes trois titres. C'est Vince qui l'a fait. Bon, moi, les textes, ça m'intéresse qu'à moitié. Sauf pour poser une rythmique ou faire des sonorités, mais voilà, sinon à part ça, moi je m'adapte au texte et puis à la musique. Par contre, pour tous comme Fletor, ADX et tout ça, c'est eux qui ont fait leur texte, c'est eux qui ont composé leur voix, donc c'est vraiment une participation comme dans un groupe normal. Très bien. Je pense que l'année 2016 n'a pas manqué d'événements pour nous motiver à trouver l'inspiration pour écrire des choses. Et c'est vrai que dans le métal aujourd'hui, bon, bah, c'est vrai que moi j'ai toujours été dans l'écriture des faits d'actualité, que ce soit des faits d'une violence inouïe, mais sans jamais raconter l'histoire, hein, me reposer sur des faits réels. Et je pense que au même titre que le morceau d'ADX et puis ceux que j'ai composés moi-même, sur les deux titres, il y a un titre qui parle effectivement de Squad of Dispers, là, qui est un titre qui parle essentiellement de la guerre aujourd'hui qui existe dans le monde, hein, de se rendre compte qu'on vit dans un pays quand même, moi j'entends beaucoup de gens se plaindre aujourd'hui. Bah, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la liberté d'aller en concert. Oui, on a pas à se plaindre en France. Voilà, et ce morceau révèle un peu tout ça. C'est le titre qu'on a entendu juste avant. Voilà, exactement. Donc des pays en guerre, des enfants qui auront comme souvenir de leur jeunesse que les bombes, les cris, le sang et les pleurs. Et voilà, c'est quelque chose que je décris dans ce morceau-là. Et le second morceau, c'est un morceau qui est basé un petit peu, alors ça va être le truc un petit peu à la mode, hein, mais la sauvegarde de la planète, ce qu'on est en train de faire de notre monde aujourd'hui. Écolo, je suis pas plus écolo qu'un autre, mais je pense que là, on a vraiment conscience de ce qui est en train de se faire. On le voit bien avec ces histoires de pollution et tout ça dans nos grandes villes, et qu'aujourd'hui, on est en train de se foutre sérieusement dans la merde. Et si on fait pas quelque chose tous un petit peu, ça va vraiment mal finir et très vite. Oui, parce qu'on en parle tous les jours, hein, aux infos, c'est vraiment d'actualité là. Puis bon, ce sera trop tard quand on commencera à trouver une solution. Hein, mais bon. Eh bien, avant qu'il soit trop tard, nous allons écouter un deuxième titre de Causedal Division. Le titre s'appelle From Ashes to Dust, on vient d'en parler. Et on se retrouve tout de suite après avec... Avec Laurent. Avec Laurent et avec Beethoven. Allez, c'est parti, musique. We'll be right back. De retour dans les studios, nous sommes toujours avec le Rock for Show. Bah tiens, tu vas le mettre devant le tien, mon cher Tom, devant ton micro, puisque nous avons un invité supplémentaire qui vient d'arriver, cool. Hein, au téléphone, bien évidemment. Bonsoir à toi, monsieur Béton. Bonsoir Rock for Show à tous les auditeurs. Tiens, baisse-nous le fond sonore, merci, c'était ouais, parce que déjà on entend à peine. On te redit bonsoir Beethoven. Bonsoir Beethoven. Salut Pascal. Bonsoir à tout le monde. Salut Pascal. Il nous a encore fait le coup de la panne. Ouais, il nous fait le coup à chaque fois, lui. T'as entendu? Ça va, mon bon vieux Filter. Eh, dis donc, Filter, il me semble que t'as des voitures qui atterrissent dans ton jardin, toi, alors t'es pas mieux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Vrai. Décidément, les histoires de bagnoles, on en sortira pas. Bon, eh bien... bien j'espère que vous faites de la bonne promo pour cet excellent album de Causal Division, de notre ami Laurent. Alors, quelle a été la participation? Parce qu'on sait qu'il y a Laurent qui a invité plein de gens. Il a invité Filter, il a invité Tanguy, il a invité Eric Forest, il a invité Max Otero. Enfin bref, il a invité un paquet de monde. Et il a invité également des musiciens d'ADX. Alors, quelle a été votre participation sur cet album, monsieur Beethoven? Bah, c'est très simple, en fin de compte, Laurent, Chris et Contor, dans le sud de la France, nous ont concocté un morceau tisonion. C'est du pur ADX qu'ils ont carrément composé pour nous. Ils nous ont proposé une version donc rythmique de tout ce titre, quoi, en nous demandant d'écrire les textes, de chanter et puis de placer quelques petites guitares solo dessus. Voilà ce qui a été fait. Tout le monde du groupe ADX a participé, même Julien, le bassiste, puisque c'est lui qui a fait les prises de son dans notre studio pour tout ça, quoi. Voilà. Donc on est vraiment au grand complet, contrairement aux autres participants qui sont plus soit un ou deux par groupe, quoi. Mmh. Nous, on est vraiment au grand complet, on a sorti la grosse artillerie, quoi, pour ce titre. Alors, sur un morceau qu'on a écouté la semaine dernière et qu'on va rediffuser cette semaine, qui est 13-11-2015, et qui fait bien sûr référence oui. au... Alors, disons qu'on voulait, de notre côté, de toute façon, comme tout le monde qui a été touché par cette date, faire un hommage tôt ou tard. On a participé à plusieurs événements sur Facebook, sur le net et autres, pour hommage à tous nos disparus. Mais bon, là, c'était l'occasion, on en a discuté avec Laurent, et lui était entièrement d'accord, donc ça a baigné totalement, quoi. Voilà. Le texte était déjà prêt, un petit peu en avance, donc on a adapté, et puis voilà. J'espère que ceux qui écouteront l'album aimeront bien, parce que ça reste vraiment typiquement dans le style ADX. Et d'ailleurs, on remercie énormément Laurent d'avoir composé dans ce sens, comme il a composé d'ailleurs pour tous les intervenants. C'est assez extraordinaire ce qu'il fait, quoi. Il se met vraiment dans la peau du personnage et il ressort des morceaux qui collent parfaitement à tous les chanteurs, entre autres, qui ont participé. Ouais, c'est ce qu'il nous a expliqué justement tout à l'heure, Laurent. Laurent, comment s'est passée justement l'approche avec ADX? Est-ce que, comme avec tous les autres intervenants, c'était quelque chose qui te tenait à cœur? Est-ce que c'était un groupe que tu... C'est pour moi un groupe qui m'a influencé, qui m'a fait rêver, même au tout début, quand j'ai commencé à écouter du métal, c'était ADX. Il y avait à l'époque ADX, Mutlin, Blasphem, tout ça. Et moi, j'avais une cassette, c'était en boucle, hein, la cassette, elle a souffert. Et le lecteur aussi, mais bon, en tout cas, c'est mes oreilles aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est marqué, c'est ancré, c'est immuable, c'est voilà, ADX, c'est dans ma tête. Voilà, pour moi, ça m'a marqué autant que les premiers Metallica. Donc, ça fait tout drôle de pouvoir être proche de d'ADX, Pascal, Didier, Nicolas, Julien et Phil. C'est un rêve, quoi. Hein. Et puis, c'est pas que pour moi, c'est aussi Chris et Vince qui sont aussi au sein de Cosa qui, voilà, c'est un rêve, voilà, ça s'est concrétisé, on n'y croit peut-être pas encore, peut-être qu'on s'en rend pas bien compte encore, mais c'est, pour nous, c'est un rêve, et comme je disais tout à l'heure, on a composé comme si on était des fans et qui voulaient entendre ça de leur groupe préféré, quoi, tout simplement. Alors Laurent, justement, tout à l'heure, on en parlait hors antenne. Y aura-t-il, bon là il y a l'album qui sort, l'album qui commence à surgir un petit peu partout sur le net, parce qu'on commence à voir pas mal de gens avec des t-shirts, avec l'album dans les mains, des choses comme ça quoi. Est-ce qu'il y a dans le projet, puisque c'est bien d'avoir un projet sur CD, mais est-ce qu'il y aura un projet sur la scène, c'est-à-dire rendre vivant le projet CD? Alors en fait on commence un peu à y réfléchir parce que bon voilà c'est pas simple à mettre en place. Par contre on était en train de se poser la question un peu à plusieurs, comme le bal des enragés où il y a plusieurs musiciens, plusieurs intervenants, et dans ce cadre-là je pense que ce serait plus simple pour nous qu'il y ait par exemple, je vais dire une bêtise, 2-3 batteurs, 4-5 chanteurs, plusieurs guitaristes, plusieurs bassistes. Ça permettrait de faire en effet une heure et demie de scène sans que ce soit un travail fastidieux. Voilà, je pense que c'est possible. En tout cas, on en a un petit peu parlé avec notre label qui était un petit peu pour ça, faire un concert à Paris. Et puis, voilà, avec plusieurs intervenants. Et voilà, non, c'est... Bon, on va pas faire une tournée, ça c'est sûr. Mais faire une date ou deux, oui, moi ça me brancherait bien. En tout cas, les Chris et Vince, oui, ils font la caisse. Bah, je pense aussi que Filter sera d'accord aussi. Oui, après, faut effectivement, comme le dit Laurent, faut voir comment on peut monter ça sur la région parisienne. Hein, comme le groupe est quand même disséminé un petit peu sur le territoire, il y a des gens un petit peu partout. Donc on a tous des boulots, on a tous des familles, des contraintes avec lesquelles il va falloir tenir compte. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen, effectivement, de se retrouver sur un événement un petit peu spécifique et ponctuel, où on va pouvoir se croiser avec, moi, je suis quand même assez proche des gens d'ADX, Tanguy qui est à Paris, il y a quand même des gens qui gravitent pas mal sur Paris, et pourquoi pas, effectivement, un soir, essayer de se croiser, et puis d'essayer de sortir une petite compilation scénique, là, avec les quelques participants qui sont capables de tenir la guitare, la batterie, sur quelques titres. Je pense qu'aujourd'hui... Il y a de la matière. Il y a de la matière. Après, voilà, je pense qu'on n'est pas encore rentré vraiment dans le vif du sujet sur ce thème-là. C'est du gros taf pour faire ça. Ouais. Ouais. Alors, Laurent, parle-nous un petit peu de la distribution, parce que c'est Season of Mist qui distribue l'album. Oui, voilà, via Sendwood. Et en fait, Sendwood nous a permis d'avoir cette porte, cette issue de mise en place avec Season, heureusement, parce que moi je suis plus trop dans le milieu, donc je connaissais pas grand monde. Chris lui connaît, mais bon, c'est compliqué, voilà. Donc il fallait nous faire confiance. Et puis je pense que les gens ils ont pas toujours tous les moyens non plus, et puis ils en ont tellement plein des groupes qui sortent de partout, donc c'est pas évident de faire un choix. Et moi je suis pas du genre à forcer les choses, dans le sens où s'il y en a un qui me dit non une fois, j'irai pas lui redemander une deuxième fois quoi. Donc je passe à autre chose, et moi je suis plutôt quelqu'un qui fonce et qui fonce mais qui avance quoi, le mur je me le prends qu'une fois. Alors donc Non, vas-y, finis si t'avais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a tracé, on a avancé, et puis on a eu cette chance d'avoir Season parce que la distribution, a priori commence pas trop mal. La pub va suivre aussi dans Rockard aussi une belle pub avec un titre sur le sampler, avec une chronique, en espérant qu'elle soit aussi bonne que celle de Metalian. Et puis après les fans ils écoutent et on verra bien quoi. Qu'on en vende 3 ou qu'on en vende 1000, pour moi c'est le but est atteint, d'avoir fait une belle passion avec des gens sympas, pour moi c'est, et de qualité aussi, avec des gens talentueux. Et rien que ça, pour moi, c'est gagné. Voilà, peu importe le nombre de ventes, pour moi, c'est gagné. Très bien. Pour cet album, hein. Après, j'avance. Moi, on est en phase. Après, il y en a un deuxième qui arrive déjà. Il y a le tome 2. Il y aura un deuxième et troisième parce que déjà, j'en ai déjà 12 là. Il y aura au moins 2 autres suivants, ça, c'est sûr. Cosdal, le futur Game of Thrones musical, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, bah, c'est... Je ne suis pas le nain, moi, mais enfin, toi, pour la longévité, c'est peut-être mieux. C'est sympa, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un troisième titre de Coastal Division, hormis les titres que l'on vous a passés en fond sonore. Donc, on va reprendre le titre d'ADX, qui est le 13. C'est 11... Non, c'est pas celui-là que t'as prévu, Phil. Si, sûr. On a passé les autres, donc maintenant, c'est 13-11-2015. Ah oui, excuse-moi, autant pour moi. J'aimerais que tu suives un petit peu. Je m'en vais. Je pense que Tom a dû s'assoupir. Retirez-lui son verre, s'il vous plaît. Le truc, c'est que comme je rentre, tu vois pas l'image, parce que t'as. Voilà. Quand tu vois la position où je gère le truc, non mais enlève-toi le god que tu as mis dans tes fesses, je veux dire, Tom, voyons, hein. Bref. Le micro, Tom, laisse le micro sur la table. On retrouve Beethoven. Et... On retrouve Beethoven tout de suite après, puisque on aura en fond sonore quelque chose qui pourra lui faire plaisir surtout, et on fera un petit retour sur le PMFF et sur la prestation d'ADX. On va saluer aussi Laurent. Hein, pour ça... Eh oui, merci en tout cas, merci à Rock for Show. En tout cas, c'est sympa de penser à nous. Et puis, c'est surtout sympa pour tous les groupes français que, voilà, là, c'est énorme votre festival aussi que vous avez fait. Moi, j'ai suivi ça malheureusement que sur Facebook, mais franchement, un grand bravo. Des prises de risques que je pense beaucoup ne se rendent pas compte, quoi. C'est des risques, c'est des, faut financer des choses, c'est du temps, c'est du stress. T'as pas dû dormir toutes les nuits tranquille. Hein. Non, mais ça, on l'a expliqué. Maintenant, c'est oublié. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Faut passer à autre chose. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est un grand coup de marteau sur le métal français qui. Voilà, c'est un grand coup de poing sur la table, pardon. Enfin, c'est surtout un grand coup de marteau sur la catapulte qui a pu essayer de propulser les groupes français vers le haut. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire et ce qu'on fait chaque semaine à travers le Rock for Show. Voilà, ça c'est un élément déclencheur sur plein de choses. Et peut-être que ça peut donner des idées, en tout cas j'espère des bonnes, à d'autres qui pourraient éventuellement faire des festivals comme ça ailleurs en France. Non, mais on a vu des choses surgir de ça, ou d'autres choses, hein, peut-être pas nous spécialement. Mais il y aura des choses là qui vont se créer en septembre, on vous en reparlera puisqu'on est partenaire également de la date. Et puis, ça, c'est pas vraiment un scoop, mais on devait en parler qu'au mois de février, donc on vous en parle maintenant. Attendez-vous à une suite au PMFF. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Bah, je rigole parce que chaque fois qu'on voit, à chaque fois c'est le dernier, et puis là, évidemment, voilà. C'est le dernier, mais ce sera plus le PMFF. Ce sera peut-être plus le PMFF, ce sera peut-être le PMFF, on ne sait pas encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si le public n'avait pas été aussi chaleureux et si ça n'était pas aussi bien passé que ça ne s'est passé au début d'année, parce que bien évidemment, hein, 42 groupes sur une scène, c'est pas pareil que faire jouer 7 groupes ou une vingtaine de groupes. Les difficultés sont doublées. Mais on a pris énormément de plaisir, toutes les équipes. Le plaisir a doublé aussi. Tout à fait, ça a été mais vraiment transcendé. Et donc, une fois que ça a été terminé, on s'est dit, est-ce que la sueur, les larmes et les manques de sommeil en valaient la chandelle? Et on s'est tous regardés en se disant, oui, ça en valait la chandelle. Je suis pas d'accord. Voilà. Et donc, Tom va prendre tout ça en charge lui-même, tout seul. Hein, et l'année prochaine, c'est lui qui organise. Parce que ce week-end, tu m'achètes un ticket à l'Euro Million qui est gagnant, du coup, je vais pouvoir investir et voilà, c'est pour ça. Pas de soucis. Allez, on écoute tout de suite Coastal Division 13-11-2015, tiré de cet album KDD, sorti dans toutes les bonnes crèmeries. Donc, c'est une autoproduction, mais distribuée par Season of Mist, excusez-moi. Hein, Sandowood Production, c'est ça ? Éditeur. Hein. Et donc vous pouvez également tu peux peut-être nous rappeler le site internet ou une page où les gens pourraient éventuellement commander l'album. Oui, le site internet c'est bêtement coastal.com, voilà, coastal.com. Et puis il y a un beau site internet que la femme de Vince nous a créé. Franchement c'est bien fait, et on voit des photos de fans avec les t-shirts, les CD, on voit tous les intervenants, les ADX, Filter, Eric Flores, Max Otero, Tanguy Defink, les frères Loès dessus, par nos troubles. Je crois que j'ai rien oublié. Et puis nos pommes aussi. Et puis voilà, on est... voilà. Très bien. Laurent, c'était le mot de la fin. On te remercie beaucoup. C'est moi. On passe le titre 13-11-2015 par ADX et on se retrouve avec Beethoven et Filter tout de suite après. Merci à toi Laurent, bye bye. Ciao, ciao, merci, merci, ciao, ciao, merci. De retour dans les studios, au son de Ultra Volta, la basse magique d'un célèbre bassiste d'un groupe des années 80. Commençons par A, finissons par X avec un Astérix, T au milieu. Astérix, non, ce n'est pas Astérix, c'est ADX, bien entendu. Et nous avons toujours Beethoven au téléphone. Oui, toujours prêt, fidèle au poste, toujours là. Alors parle-nous un petit peu, après nous avoir parlé de Causal Division, à moins que tu aies encore, oui je crois que tu as encore une petite chose à nous dire sur Causal Division, et ce titre 13-11-2015, interprété par Alex. Oui c'est ça, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, c'est quand même un titre de Causal Division, donc de composé principalement par Laurent, Chris et Vince, quoi. Voilà, nous on a fait qu'apporter une petite touche de couleur, quoi. Voilà, c'est vraiment un titre... Les gens parlent d'un titre d'ADX, mais non, c'est un titre de Causal Division. Voilà, au même titre que les autres intervenants, d'ailleurs. Très bien. C'est nouveau. Moi, c'est la première fois en pas mal d'années que je vois ça. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est tout à fait nouveau. Alors, on va s'habituer à ça, quoi, cette manière de présenter les choses, quoi. Voilà. Très bien, monsieur. Bon, bah, tu sais ce que je vais faire. Je vais me mettre à poil. Je vais montrer que j'ai un beau t-shirt Causal Division sur moi. Hein. Et comme ça, c'est vachement radiophonique. Juste une question. Du coup, ADX, là-dessus, vous avez fait que des voix? Non, ils ont fait guitare aussi. Ouais, ils ont fait guitare. Voix, guitare et composition du texte également, quand même. Et puis surtout, enregistrement, arrangement. Enfin bon, voilà. Quoi. C'est plus du. C'est les derniers. Comment dire ça? C'est les dernières choses qu'on fait en studio, quoi, en général. Voilà, quand un groupe enregistre un titre, voilà, on a participé au dernier. La mise en couleur, quoi. Moi je vois ça un petit peu comme ça, la mise en relief du truc. Voilà. Et franchement, on est super content du résultat. J'espère qu'on arrivera peut-être un jour, justement, comme vous en parliez tout à l'heure, à le jouer sur scène avec tous les intervenants. Ce serait vraiment super sympa de se retrouver. Quoi. Très bien. Et puis de faire une grosse fiesta ensemble. Pourquoi pas sur un célèbre festival parisien, on sait jamais. Tout ça peut peut-être s'ordonner, on sait pas. On ne sait pas, je ne sais plus. Ouais, je suis perdu. Donc, nous allons revenir un petit peu au... Alors, tu parles d'un festival français. À propos de ce qu'on écoute en fond sonore d'Ultra Volta, bien évidemment, c'est notre ami Fred qui a fondé ADX avec moi il y a moult années. Donc on l'a invité gentiment sur le PMFF, il est venu avec un grand sourire. Avec tous ses potes, ils ont un peu retourné la Rockford Stage d'ailleurs avec leur punk rock survitaminé. Ça fait plaisir à tout le monde d'avoir une petite touche comme ça, un peu différente sur le festival. C'est vraiment très sympa. Je peux déjà dire qu'on les reverra sur Paris ou aux alentours bientôt. Aux alentours de bientôt. Ils vont y prendre goût. Mais bon, nous, ça nous a fait super plaisir de faire un titre le dimanche donc au PMFF avec Fred comme au bon vieux temps, quoi. Et ce qui prouve qu'il n'avait pas oublié les vieilles chansons d'ADX, donc ça fait plaisir. Et vu le sourire qu'il y avait sur scène et puis les sourires dans la salle, franchement, c'était réussi. C'était 100% parfait, quoi, cette réunion de vieux musiciens. Comme à chaque fois, quoi. Quand on se réunit, bon, ça fait toujours plaisir. C'est une grande famille. Bah, ce qui est étonnant aussi, c'est parce que tout le monde nous a dit, enfin tout le monde nous a posé la question, mais comment avez-vous réussi à faire se réunir autant de gens sur ce festival? Bah, je pense que c'est juste des gens qui ne sont pas du tout prises de tête. Et donc, le fait de ne pas être prise de tête, bah, ça permet de faire une grande osmose de musiciens, de partager. Et on nous a également spécifié qu'il était assez étonnant que dans un festival comme celui-ci, il n'y avait aucun esprit de compétition. Et c'est un petit peu ce qu'il en est sorti, effectivement, puisqu'il y a bien un moment donné où on est obligé de faire jouer des groupes de telle heure à telle heure, mais il n'y a pas n'importe quel groupe aurait pu jouer à la place de n'importe quel autre groupe sur la grande scène ou sur la petite scène. C'est juste qu'il a fallu faire des choix à un moment donné, et puis on a demandé à des gens, les gens nous ont accepté en fait de jouer à telle heure ou sur la petite scène plutôt que d'être sur la grande scène, et donc on a la fiche s'est construite comme ça. Sachez juste, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas si t'as entendu Pascal, qu'il devrait y avoir une suite. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Pour le plaisir que l'on a pris et pour le plaisir que les gens en ont pris et les retours que l'on en a eu, aussi bien des journalistes, des professionnels, des food trucks également, ce qui était assez, assez fabuleux, c'est que les food trucks sont venus nous voir en disant mais il faut pas arrêter, il faut continuer. Alors bon, tout ça, c'est assez étonnant parce que eux ils entravent que dalle à la musique métal, mais ils ont aimé l'esprit. Non, je pense que je veux pas me permettre de donner de conseils, mais il faudrait changer le nom du PMFF. Il faudra appeler ça le dernier PMFF à chaque fois, directement, quoi. C'est le dernier PMFF, voilà. Comme ça, on est au courant. C'est un petit peu comme la tournée d'Adieu de Scorpion qui date depuis 8 ans maintenant. Donc, vive l'arrêt du PMFF, puisque ça ne fait que continuer. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Ça risque d'être ça, voilà. Je voudrais laisser le mot de la fin à Filter. Juste un petit détail, il y a quoi comme nouveauté chez ADX prochainement ? Plein de choses. On va avoir une super promo avec différents produits qui vont sortir chez Season of Mist. Je vous en parlais tout à l'heure par rapport à Crystal Division d'ailleurs. Puisque toutes nos rééditions là, vont sortir normalement fin février. On aura plein d'albums en vinyle, en CD, plein de bonus dessus, un super beau coffret. On vous fera la surprise sur Facebook, là on va vous mettre ces jours-ci de belles photos, un super coffret collector pour finir la vie commerciale, on dirait, de l'album Non Serviam. Et ça va nous permettre à nous, puisqu'on finalise cet album maintenant, de passer au suivant, et puis à l'album live qu'on prépare également grâce au PMFF. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour tous ces magnifiques cadeaux qui arrivent après Noël et qui nous permettent de continuer dans ces fêtes un petit peu joyeuses dans l'esprit de Noël. Nous on est sérieux, ils vont arriver pour la Saint-Valentin. Alors, comme ça, tous les métalleux, ils vont se faire offrir des beaux CD par leurs copines. voilà. Chez Adix, on réfléchit quand même un petit peu. Ah, c'est pas bête. D'ailleurs, au passage, tu devais pas en apporter ce soir. Alors, je vous propose, moi, pour la tournée Coastal Division, de repartir dans les galères des années 80, on part avec ma bagnole, tu vois, directement. Là, ça va être les bonnes galères des années 80, ça va rappeler des souvenirs, même à notre ami Filter, parce que, pour la petite histoire, en 1990, pour être précis, on avait quand même partagé pas mal de dates en France ADX No Return, et c'est vrai que des fois, c'était assez folklorique dans le bus, surtout au niveau des odeurs. Mais bon, on en a déjà reparlé, et ça restera un petit peu en interne, hein. On va pas tout dévoiler. Mais bon, on a des super bons souvenirs ensemble, et c'était vraiment très très sympa, qui viennent également chanter sur le titre. C'est vrai que j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, mais il est venu chanter sur le titre que Coastal nous a composé. Il a fait les cœurs avec nous, c'était super cool, quoi. Vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une grande famille. On se perd un peu de vue, on se retrouve, et puis le plaisir est là. Voilà. Très bien, Beethoven, merci beaucoup. Bonne continuation avec ADX et la tournée Non Serviam dans sa deuxième partie. Et on se retrouve, bien évidemment, pour parler d'un fabuleux concert qui aura lieu normalement aux alentours du 16 septembre. Nous en reparlerons bien encore, plus. Encore une belle brochette, à mon avis. Ça va être très sympa. Oh, salut, okay, mon Skype. Merci à vous et bonne fin d'émission. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut, Pascal. Nous allons finir avec Filter. Quelle est l'actualité de Filter aujourd'hui et pour la suite de Coastal Division ? Alors, l'actualité, on ne sait pas encore. Hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose d'assez inattendu pour moi, de refaire quelque chose dans la musique, même si j'ai jamais de ma vie laissé tomber une seconde le métal. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, de mon quotidien. Je suis partout dans les concerts, à droite et à gauche, je traîne toujours avec des potes musicos. L'opportunité s'est pas présentée, j'ai pas vu honnêtement 20 piges passer. L'album, j'en suis vachement satisfait parce qu'il est fait avec cœur et surtout avec beaucoup d'inspiration. Et quand t'as pas composé, écrit et chanté pendant 20 ballets, je peux te dire que les riffs que m'a présenté Laurent, j'ai tout de suite collé des lignes de chant dessus avec mon style qui m'est propre. Alors ça veut pas dire que je sais faire que ça, hein. Je suis capable d'aller taper dans d'autres registres si demain on devait faire quelque chose de peut-être plus progressif, hein, parce que je suis extrêmement fan de métal progressif en plus de l'extrême. Donc voilà, je réfléchis à d'autres sujets, mais là je voulais vraiment coller à ce que j'ai fait il y a 20 piges avec le timbre de voix qui a malheureusement pas trop bougé, je dirais, même si dans les graves mais je voilà, j'ai pas eu trop de soucis avec ça. J'ai fait quelques répètes, je passe beaucoup de temps sur la route dans ma bagnole dans le cadre de mon boulot, donc j'ai eu le temps de chauffer ma voix tout seul dans ma caisse à me prendre la gueule. C'est pour ça qu'on a un temps de merde en région parisienne. Voilà, ça doit être pour ça, ouais. Ça doit être pour ça, comme ça. Mais bon, ça arrive en hiver, hein, donc c'est pas très grave. Non, donc beaucoup d'inspiration. Et effectivement, pour le deuxième, là j'ai entendu quelques riffs, j'ai dit à Laurent, sors-moi quelque chose chose de très violent. Et parce que bon, moi je suis pas calmé, hein, mais même avec les années. Le premier ça vient tout juste de sortir, le deuxième est déjà en route. Ah, mais il y a déjà des riffs qui traînent, il y a déjà des trucs, il y a déjà des idées. Laurent est quelqu'un qui est très très actif au niveau de la compo. Et puis il le disait tout à l'heure, hein, il vit à 100 à l'heure, il vit à fond, il avance. Et il m'a balancé déjà quelques riffs. Et puis le premier truc, j'ai dit putain, mais c'est mortel. Voilà, donc on verra ce qu'on fera. Moi ça. Ça, voilà. Et puis ce projet fait aussi plaisir aux gens qui participent, parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous des vies, des occupations, des boulots. Aujourd'hui, moi, reprendre sérieusement la musique à fond, les répètes, les tournées, tout ça, je... Tu veux juste prendre plaisir, quoi, en fait. Clairement, je suis incapable. Tu veux prendre ton pied par les oreilles, quoi, enfin, ou par la bouche. Ouais, et puis voilà, puis c'est un truc que je sais faire. Moi, ça représente. Moi, j'ai fait de la musique en 86, j'ai arrêté en 92-93. Mais voilà, ça a été peut-être éphémère pour certains avec la sortie des deux No Return, mais ça faisait un paquet de temps quand même qu'on répétait, qu'on tournait. Et puis, voilà, et j'ai toujours cette envie-là. Moi, j'ai toujours des idées de compo plein la tête. Je vais me remettre à l'informatique musicale, je vais suivre une formation. Enfin, voilà, je vais me remettre un peu là-dedans, là, pour la compo en tout cas. Voilà, en tout cas, on repart avec des intentions neuves et boostées à bloc, hein, avec ce nouveau Cosdal Division. On sait que derrière, bah, il y aura une suite de toute façon. Et vous l'avez entendu durant cette interview, attendez-vous à ce qu'il y ait un projet scénique, même si ce n'est pas une tournée. Il y aura au moins un ou deux concerts regroupant ou essayant de regrouper l'intégralité des gens se trouvant sur le CD de Cosdal Division. L'album est disponible chez Season of Mist, achetez-le, hein, et puis surtout ne le téléchargez pas illégalement, hein, parce que les groupes comme ça, ça a besoin de vivre également, et des projets comme ça, on a envie, nous, au Rock for Show, que ça puisse vivre et que ce soit viable, aussi bien, même si c'est vrai que les gens ont un peu de mal à parler du point de vue commercial, mais sachez que bah, de temps en temps, de toute façon, tout ce qui est mis sur le marché est commercial, quoi qu'il par définition, et que bah, pour fonctionner, on a besoin d'un minimum d'argent, car tout ça, ça coûte de l'argent. Nous allons passer à la suite de la programmation avec du lourd, avec du très très lourd, avec des nouveautés encore une fois. Le groupe s'appelle Six Feet Under, il nous sort son nouvel album qui s'appelle Torment. C'est le titre que je vous ai choisi, Skeleton, tiré de cet album qui sortira le 24 février chez Metal Blade. Nous enchaînerons ensuite avec John Garcia qui nous sort un album très, très acoustique. Dans un style un petit peu stoner, un petit peu western également. Le titre de cet album s'appelle The Coyote Who Spoken with Tongue. Non, oui, c'est ça. Et ça sort chez Napalm Death, n'importe quoi, chez Napalm Records et non pas Napalm Death, le 27 janvier, c'est-à-dire demain. C'est pour tous ceux, pour tous les fans de Kaios. Ouais, c'est vraiment excellentissime. Et puis voilà, donc à découvrir John Garcia. Nous enchaînerons ensuite pour terminer cette plage musicale avec IQ, que j'avais choisi également pour l'ami Beethoven, puisque comme vous le savez, ou peut-être pas, est un grand fan de métal progressif, et donc je lui avais choisi ce IQ en live. Phil, excuse-moi, je te coupe. Je crois qu'on va arrêter de préparer des choses pour les personnes parce qu'à chaque fois qu'on prépare quelque chose pour quelqu'un qui est censé venir, il vient pas. Très bien, en tout cas IQ s'est sorti de l'album Scrape Across the Sky en live bien évidemment. Ça sort chez Pirate Smile et ça s'est sorti puisque c'est édité depuis le 20 janvier 2017. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Outer Limits. On envoie la musique tout de suite sans plus attendre et on se retrouve tout de suite après pour la fin de cette émission musique. We'll be right back. Ride it, and maybe I'll choke her out. I wish that. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show pour ce qui va être la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Vous entendez en fond sonore Cosdal Division tiré. Alors, c'est quoi comme morceau? C'est celui avec Arnaud, c'est ça? C'est ça, avec Arnaud. The Night. Voilà. The Night. Ouais. Voilà, donc monsieur Arnaud Strubber, ex-Carnival in Call. C'est ça, ex-Carnival in Call. Il a d'ailleurs enregistré un clip avec Frank Green là récemment. Donc, qui a été diffusé sur. Excuse-moi, c'est pas radiophonique comme la semaine dernière, il y a toujours des. T'as un peu de sauvement sur le coin de l'œil. Des chamelles sur la barbichette. C'est un peu des chamelles parce qu'on mange. Tom a fait à manger, donc on mange. Voilà, et on vous dit bon appétit. Parce qu'on vous rejoint tout de suite au. Au Feel Good. Au Dr. Feel Good. 34 rue Quincampoix ou 37, je sais plus. En tout cas, rue Quincampoix. Et vous pourrez aller voir Factor. C'est à 3 minutes du fameux. La canopée, voilà. Très bien. Vous en faites de la pub pour tout le monde et on va non, faire. Mais la canopée, c'est le grand truc des Halles, le Châtelet. Super. Hein. Ah oui, le nouveau truc. Oui, voilà. D'accord, moi ils appellent ça comme ça. Bon, bah, c'est bien. Moi je suis au courant comme ça quand je viens. Moi je suis au courant de rien en fait, je vous le dis tout de suite. Je ne m'intéresse pas. T'atterris toi. J'atterris. Welcome in France, Phil. Moi je viens au Rock for Show et heureusement il passe de la bonne musique. Ouais. Je sais pas qui c'est qui choisit, mais en tout cas il passe de la bonne musique. Il essaye parce que des fois c'est. Non, ils ont des bons invités. Hein, je sais pas qui c'est qui choisit non plus, mais le mec il a du goût. Moi si avec ça encore. Toi qui le dis. Y'a que ça au Rock for Show. Non, il y a plein d'autres choses, il y a à manger, il y a un tome, il y a un tome of rock qui il en faut deux, sur une batterie, il y en a même trois. Hein, donc Et il y a aussi également une Jen de temps en temps quand elle a envie de venir. Hein, elle est partie retrouver Tarzan peut-être. C'est possible. Allez, nous allons terminer cette émission dans la joie, l'allégresse, la bonne humeur avec encore un groupe canadien. Alors oui, en effet, il s'agit donc de XDO, un super groupe de death donc canadien, originaire death symphonique. Donc, voilà, originaire de Montréal, Québec. Exact. Chris de Tabarnak. Voilà, donc formé en 2008, le groupe s'inspire donc de l'histoire ainsi que des mythes et légendes romaines. Aussi bien dans ses textes que dans leurs prestations scéniques. Et franchement, moi j'ai écouté, c'est vraiment excellent. J'ai bien aimé. L'album s'appelle The Immortal Wars. The Immortal. N'importe quoi, mais je sais plus lire moi ce soir. The Immortal Wars. Les guerres immortelles. Immortal Wars. Hein, on est encore dans le côté guerrier, tout ça. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle The Rise of Hannibal. Et pas, je sais pas si c'est pas Hannibal Lecter, hein, je sais pas, hein, mais en tout cas c'est The Rise of Hannibal. Et c'est XDO, c'est sorti chez Napalm Records, enfin c'est pas sorti encore, excusez-moi, ça va sortir le 24 février chez Napalm Records. Et sincèrement, je pense que ça va faire du bruit et je suis assez intéressé de les voir en live. Bon, ça s'écoute à fond, je pense. Hein. Ouais, ça s'écoute à fond en train de manger des tagliatelles préparées par Tom et franchement, ça c'est le top. Hein. Et puis tout de suite après cette émission, on vous retrouve au Dr. Feel Good 37-34 rue avec une pinte dans chaque main. Rue Quincampoix. Et on tient à vous dire plein de choses. Je vais ramener des posters du PMFF parce qu'il y en a qui m'en ont réclamé. Donc voilà, s'il y en a qui en veulent des posters du PMFF, bah, vous venez nous voir. On sera là-bas, Tom et moi, et peut-être Jen qui nous rejoindra, je sais pas. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Oui, on a encore 30 secondes. Même lieu, même heure. La semaine prochaine ou dans deux semaines? Parce que la semaine prochaine, c'est pas la Saint-Valentin, mais c'est la semaine d'après la Saint-Valentin. Oui, voilà. Donc, non, c'est dans 15 jours même. Ouais, alors qu'on fait un Valentin. On se fait pas d'émission la semaine prochaine et émission la Saint-Valentin ou quoi? Non, la Saint-Valentin, c'est même dans 3 semaines, Phil. Bon, alors on se fait une émission la semaine prochaine et l'émission de la Saint-Valentin après. On se fait pas l'émission de la semaine du 8, quoi. Voilà. Ok? Allez. Ouais, ça m'arrange. Enfin bref, c'est pas grave. On va s'organiser ça. En tout cas, on vous fait des gros poutous à tous. On vous dit stay metal. Et juste finir avec. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. Merci de votre invitation, les gars. Merci. Mais de rien. A bientôt, Filter. Bye bye. À bientôt. Musique avec XDO.